Mon putain d'art à moi, c'est de prendre le stylo, gratter des verres, en gros sortir de tes genre street life. Au pire quand tu me parles de faire le show, wesh, yo, wesh, yo. Qu'est-ce que tu penses des mecs le rap à retourner le cerveau dans ma rue? Y'a pas que ça, et si les produits grave, expert en droit, un filtre au commissariat. Chez nous, y'a les produits pas en vrai cœur fou. Manager, groupe, cherche de fric chaque jour, avec un pilon à la bouche. Au douche, ils vivent, y'a rien à faire pour respect, puis les vieux et rentre chez eux, Yves. Désir, sur un plateau du pis, on les livre. Mon pote, tu connais la fin du livre, chacun veut remplir sa panse. Avec le diable en danse, c'est un putain de combat que je livre. Si c'est dead, franchement, je recommence. Car au moins le Tox 2004, nique la musique de France. Comme enfermé dans ma rue, dans une cage, avec ma rage et ma bouche comme calibre. Mon art, je te livre, car j'en perds l'équilibre. Liberté d'expression, mais pas d'écrit libre. Bordel! Comme enfermé dans ma rue, dans une cage, avec ma rage et ma bouche comme calibre. Mon art, je te livre, car j'en perds l'équilibre. Liberté d'expression, mais pas d'écrit libre. Toujours là, mes gosiers cousines. Elle veut au langue à langue, au sac de mer à la cuisine. Voilà ce qui fait mon art, tu connais la routine. Tu de ceux qui traînent tard. Couille dans le froid, plongé dans le bloc, emmerder les stars. Notre avenir plombé, sauvé dans les gosses, n'ont plus peur de tomber. C'est les grands pétons, direct le plan B. Ici on communique avec le bon plastique, les coups de poing et de pompe. Fin tragique pour ceux qui se la racontent. Les terrains de foot abondent de braves, nos caves abondent de salopes qui pompent. Et chez les keufs, c'est notre grave. Mais on connaît la fin du compte, donc j'évite d'être bordélique. Pour ça, je remercie le ciel de nous avoir donné cette zik. On a tous les mêmes cycles, fin des fins, plus de place pour tout le monde. Plus rien à foutre s'il y a pas de place dans le rond. Si c'est fait, franchement, je recommence. Grand Molotox 2004, nique la musique de France. Comme enfermé dans ma rue, dans une cage, avec ma rage et ma bouche comme calibre. Mon art, je te livre, car j'en perds l'équilibre. Liberté d'expression, mais pas d'écrit libre. Bordel! Comme enfermé dans ma rue, dans une cage, avec ma rage et ma bouche comme calibre. Mon art, je te livre, car j'en perds l'équilibre. Liberté d'expression, mais pas d'écrit libre. Un stylo à la place d'un flingue, et je mets de la vie sur papier. Je suis ce d'où venais, venant de Marseille, papy. Un œil sur le monde, un œil où j'habite. Et je vois les rêves de ma génération mourir, car la haine, notre habit nous abîme. Les armes remplacent les mots, nos rues deviennent des stands de tir. Qui reste pour toi et reste vilain stand. Si tu respectes, on te respecte et c'est les bras qu'on t'ouvre. Si t'es contre, c'est que t'es con, que t'es pas comme nous. Sixième chaudron, commando toxique, retour vers le futur. Luciano.